Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Haziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. »